Chapitre 13. C'était le jour qui précédait la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde, et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà décidé que Judas, fils de Simon Iscariote, trahirait Jésus. Jésus savait qu'il était lui-même venu de Dieu et retournait à Dieu, et que Dieu avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta une partie de ses vêtements, et prit un linge dont il s'entoura la taille. Puis il versa de l'eau dans une cuvette, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi à Simon-Pierre qui lui dit, « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit, « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » « Non, lui dit Pierre, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répliqua, « Si je ne te les lave pas, tu ne recevras plus rien de moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propre, vous, mais pas tous cependant. » Jésus savait qui allait le trahir, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remit ses vêtements, se rassit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc, moi le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Je vous le déclare. En vérité, aucun serviteur n'est plus grand que son maître, et aucun envoyé n'est plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange ma nourriture s'est tourné contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis celui que je suis. Je vous le déclare, en vérité, l'homme qui reçoit celui que j'envoie me reçoit aussi, et l'homme qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Après avoir prononcé ces mots, Jésus fut profondément troublé et dit, « Je vous le déclare, en vérité, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir du tout de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était assis à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit un signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Le disciple se pencha alors vers Jésus et lui demanda, « Seigneur, qui est-ce ? » « Je vais tremper un morceau de pain dans le plat, » répondit Jésus. « Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Jésus prit alors un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, plusieurs pensaient que Jésus voulait lui dire d'aller acheter ce qui leur était nécessaire pour la fête, ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc le morceau de pain et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Après que Judas fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant apparaît la gloire du Fils de l'homme, et la gloire de Dieu apparaît en lui. Et si la gloire de Dieu apparaît en lui, Dieu aussi fera apparaître en lui-même la gloire du Fils, et il le fera bientôt. » Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux Juifs. Vous ne pouvez aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Simon-Pierre lui demanda, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Es-tu vraiment prêt à donner ta vie pour moi? Répliqua Jésus. Je te le déclare, en vérité, avant que le coq chante, tu auras affirmé trois fois que tu ne me connais pas.